Chapitre 9e. Quand cesserai-je d'être seul? Herbert Arundel ne fut pas aussi surpris qu'on aurait pu le croire de la proposition que lui fit son riche voisin. Edward Arundel avait préparé son oncle à la possibilité d'une semblable demande par plusieurs allusions railleuses relativement à l'admiration de John Marchmont pour Olivia. Le franc et un peu frivole jeune homme croyait que c'était la belle figure de sa cousine qui avait captivé le maître de Marchmont Towers et n'était pas du tout à même de deviner le motif secret de la cousine de John sur Miss Arundel. Le recteur de Swampington, qui était un cœur simple et peu clairvoyant, remercia sincèrement Dieu de la belle occasion qui s'offrait pour sa fille. Elle serait donc riche et bien mariée, grâce à la Providence, en dépit de sa prodigalité à lui, qui ne lui avait réservé pour toute fortune dans l'avenir qu'une misérable somme provenant d'une assurance sur la vie. Elle aurait tout ce qu'il lui faudrait dorénavant et vivrait dans une belle maison. Toutes ses belles qualités, qui ne lui avaient servi de rien dans son humble sphère, s'étaleraient au grand jour maintenant et dans un milieu convenable. Les gens la proclament bonne, se disait-il. Mais comment peuvent-ils savoir qu'elle l'est, eux qui n'ont pas vu comme moi les horribles privations qu'elle a supportées si vaillamment? John Marchmont, renseigné tout récemment par son avoué, put donner à M. Arundel le compte très net du douaire qu'il devrait constituer à sa future. Il lui ferait don des 9 000 livres que lui avait laissé Philip Marchmont. Elle aurait 500 livres par an pour ses dépenses personnelles, la vie de son mari durant. Il lui laisserait ses économies à sa mort et prendrait une assurance sur la vie à son profit. Le montant de ses économies dépendrait évidemment de la longueur de la vie de John, mais l'argent s'accumulerait très rapidement, car le revenu était de 11 000 livres et les dépenses n'allaient pas au-delà de 3 000. La cure de Swampington ne valait pas plus de 350 livres par an. Et avec cette somme, Herbert Arundel et sa fille avaient fait 3 fois plus de bien pour les nombreux pauvres de la paroisse que n'en avait jamais fait avant lui aucun recteur ou sa famille. Herbert et sa fille avaient patiemment enduré la plus affreuse pauvreté, et le fardeau avait toujours été le plus lourd pour Olivia, qui avait l'héroïque faculté de la résignation en ce qui concernait les privations physiques. Est-il donc étonnant que le recteur de Swampington considérât comme très brillante la perspective qui s'offrait pour son enfant? Est-il étonnant qu'il poussa sa fille à accepter le changement de fortune qu'on lui proposait? Il insista pour qu'elle consentît et plaida la cause de John Marchmont avec bien plus de chaleur que le veuf lui-même. « Ma chère enfant, lui dit-il, ma chère enfant, si je vis assez longtemps pour te voir maîtresse de Marchmont Towers, je descendrai dans la tombe content et heureux. Songe, ma fille, que ce mariage te sauve de la misère. Oh, je puis te dire maintenant ce que je n'ai jamais osé te confesser. Je puis te dire combien de longues nuits sans sommeil j'ai passées en songeant à toi et au tort que je t'ai fait. Il a été fait bien involontairement, ce tort-là, mon enfant, ajouta le recteur, les larmes aux yeux, car tu sais combien je t'ai toujours aimé. Mais la responsabilité d'un père envers ses enfants est un fardeau bien lourd. Je ne l'ai envisagé de cette manière que depuis peu, ma chère fille, que depuis que je suis vieux, et qu'il est trop tard pour racheter le passé. J'ai bien souffert, Olivia, et tout cela nous a en quelque sorte éloignés l'un de l'autre. Mais c'est passé maintenant, n'est-ce pas, mon enfant, et tu épouseras M. Marchmont. Il a l'air d'un homme bon et consciencieux, et je crois qu'il te rendra heureuse. Le père et la fille étaient assis tous deux dans l'ombre après leur dîner. Le crépuscule de la soirée de novembre faisait place à la nuit, et la chambre n'était éclairée que par le feu presque éteint. Herbert Arundel ne pouvait voir la figure de sa fille en lui parlant. Il n'apercevait que sa silhouette, qui se profilait sur la fenêtre grise en face de lui. Il devinait à son attitude qu'elle l'écoutait, car elle penchait la tête et ses mains reposaient immobiles sur ses genoux. Elle se tut pendant quelques instants après que son père eut fini de parler. Il craignait, en face de ce silence, que quelqu'une de ses paroles ne l'eût blessée et qu'elle ne pleurât. Pauvre père au cœur simple, elle avait à peine entendu ce qu'il avait dit, mais elle avait vaguement compris qu'il désirait l'avoir accepté l'offre de John Marchmont. toute grande passion est égoïste possible. Ce n'est pas l'objet de la passion que nous voulons avec tant de résolution. Ce n'est pas lui qui nous enchaîne le cœur. C'est notre propre folie que nous adorons et à laquelle nous tenons. C'est notre illusion que nous refusons de faire cesser. Qu'est-ce pour Nancy que le nez fendu ou la figure de bulldog de Bill Sykes? Ce à quoi elle tient et ce dont elle ne veut pas se séparer, ce n'est pas Bill. C'est l'amour qu'elle ressent pour lui. La vive illusion d'une vie stérile, le grand égoïsme d'une faible nature. Les pensées d'Olivia Arundel avaient fait beaucoup de chemin pendant que son père lui parlait d'un ton piteux. Elle avait songé à son cousin Edward et s'était répété un million de fois la même question. Serait-il triste? Serait-il triste si elle épousait John Marchmont? Mais elle comprit tout à coup que son père attendait qu'elle parlât. Elle se leva de sa chaise et, s'approchant de lui, elle appuya sa main sur son épaule. « J'ai peur de n'avoir pas rempli mes devoirs envers vous, papa, » dit-elle. Depuis quelque temps, elle faisait résonner constamment la même corde, le devoir. Ce mot était la clé de sa vie, et son existence lui avait paru, dans ces derniers temps, renfermer si peu d'harmonie, qu'il n'était pas étonnant qu'elle répétât sans cesse cette note qui était pour elle la seule importante du diapason. « Ma chère enfant, » s'écria M. Arundel, « tu as été la bonté même. » « Non, non, papa, j'étais froide, réservée, silencieuse. »« Un peu silencieuse, ma chère, » répondit le recteur avec douceur, « mais tu n'as pas été heureuse. Je t'ai observée, mon enfant, et je sais que tu n'as pas été heureuse. Du reste, il n'y a rien là d'étonnant. Cet endroit est si triste, et ta vie a été si fatigante. Mais ce serait bien différent à Marchmont Towers. »« Vous voulez donc que j'épouse M. Marchmont, papa ?»« Oui, je le veux, ma chère fille. » « Dans ton intérêt seulement ?» ajouta le recteur sur un ton de supplication. « Le désirez-vous réellement ?»« Je le désire vivement, très vivement, ma chère. »« Eh bien alors, je l'épouserai, papa. » Elle ôta sa main de dessus l'épaule du recteur et s'approcha de la fenêtre sans rideau. Elle tournait le dos à son père et ses regards plongeaient dans l'obscurité du dehors. J'ai dit que Herbert Arundel n'était pas fin observateur, mais il comprit vaguement que ce n'était pas précisément ainsi que l'offre d'un brillant mariage devait être acceptée par une jeune fille libre d'esprit et de cœur, et il eut peur que sous les manières calmes de sa fille ne se cachât quelque chose. « Mais, ma chère Olivia, » dit-il avec inquiétude, « il ne faut pas supposer un seul instant que je veuille te forcer à contracter ce mariage, s'il te répugne le moins du monde. Tu peux avoir formé quelque attachement antérieur ?» Où il peut y avoir quelqu'un qui t'aime depuis plus longtemps que M. Marchmont et que... » Sa fille se retourna vivement vers lui pendant qu'il balbutiait. « Quelqu'un qui m'aime, » répéta-t-elle. « Avez-vous jamais vu quelque chose qui puisse vous donner lieu de croire que quelqu'un m'aima ?» Son ton dur produisit un effet désagréable sur M. Arundel et redoubla son agitation. « Je te demande pardon, ma chère enfant. Je n'ai rien vu, Personne ne m'aime ou ne m'a aimé, excepté vous. » reprit Olivia sans s'occuper de la tremblante interruption de son père. « Je ne suis pas femme à être aimée. Je le sens et je le sais. J'ai le nez aquilin, la peau blanche, les yeux noirs. Et l'on me dit belle, mais personne ne m'aime et ne m'aimera jamais. Mais, M. Marchmont, cher enfant, il t'aime certainement et il t'admire, » observa le recteur. « M. Marchmont veut une institutrice, un chaperon pour sa fille, et il me croit capable d'occuper ce poste. C'est là tout l'amour que M. Marchmont ressent pour moi. Non, papa, je n'ai aucun motif pour reculer devant ce mariage. Il n'y a personne qui sera fâché de me voir me marier, personne. On me demande de remplir un devoir envers cette petite fille, et je suis prête à m'acquitter fidèlement de ma tâche. C'est là tout ce qu'on exige de moi. Est-ce un péché que d'épouser M. Marchmont dans cet esprit, papa ? » Elle fit cette question avec une vive inquiétude, comme si sa décision dépendait de la réponse de son père. « Un péché, cher enfant? Comment peux-tu me faire une pareille question ?» C'était ainsi qu'Olivia faisait un compromis avec sa conscience et n'avouait que la moitié de la vérité. La question qu'elle aurait dû adresser était celle-ci. « Est-ce un péché que d'épouser un homme tandis que mon cœur appartient à un autre que j'aime follement ?» Miss Arundel ne put visiter ses pauvres le lendemain de cette entrevue avec son père. Sa tournée monotone lui parut ce jour-là plus odieuse que d'habitude. elle s'égara parmi les marais qui s'étendent sur le bord de la mer solitaire et affronta le brouillard grisâtre de novembre. Elle resta dehors très longtemps. Le froid la faisait frissonner, mais elle n'en avait pas conscience. Elle regardait un bateau délabré qui se trouvait sur le bord de l'eau. La mer devant elle et la terre par derrière étaient cachées par l'épaisseur du brouillard. Il semblait qu'elle fût seule au monde, complètement isolée, complètement oubliée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Si ce bateau qui est là à mes pieds m'emportait dans quelque île déserte, je n'y serais pas plus abandonnée que je ne le suis parmi les gens qui ne m'aiment pas. » De faibles lumières brillaient aux fenêtres par-delà la plaine quand elle revint à Swampington. Elle trouva son père assis tout seul à table en face d'un frugal dîner qu'elle n'avait pas le courage d'attaquer. Miss Arundel prit tranquillement sa place au bas de la table et sa figure ne révéla pas la moindre émotion. « Je regrette d'être restée si longtemps dehors, papa, » dit-elle. « Je ne songeais pas qu'il fût si tard. » « Peu importe, ma chère enfant, je sais que tu as toujours beaucoup d'occupations. Monsieur Marchmont est venu en ton absence. Il semblait très impatient de connaître ta décision, et il a été ravi d'apprendre qu'elle était en sa faveur. » Olivia laissa tomber son couteau et sa fourchette et se leva brusquement. Il y avait sur sa figure quelque chose d'étrange qui ressemblait presque à de la terreur. « C'est donc décidé, » dit-elle. « Oui, ma fille. Tu n'en es pas fâchée, n'est-ce pas ?»« Fâchée ? Non, j'en suis bien aise. » Elle retomba sur sa chaise avec un soupir de soulagement. Elle en était bien aise. La perspective de cet étrange mariage faisait diversion à l'horrible tourment de sa vie. « Dorénavant, ce sera un crime, » de songer à Edward Arundel, se dit-elle. « Je n'ai pas conquis l'amour d'un autre homme, mais je serai la femme d'un autre. »